Elle est tellement magique que nous la rencontrer. Et ces sentiments que on peut pas imaginer. Si vous voulez aussi, fait partie de mon vie, nous sera réunis. Et si jamais vous voulez, pourquoi ton amour la main dans le désespoir. Sentiment pour toi n'a pas pour changer. Si mon cœur ton nom l'a fini gravé. Et si jamais vous voulez, pourquoi ton amour la main dans le désespoir. Sentiment pour toi n'a pas pour changer. Si mon cœur ton nom l'a